Je vais communiquer sur la question des médailles de Louis XIV en Angleterre, de leur présence et de l'influence qu'elles ont pu avoir sur les productions propres anglaises. Il est assez intéressant de se pencher sur la question pour la période 1688 et allant jusqu'à 1715, puisque entre ces deux dates, les royaumes de France et d'Angleterre sont de manière quasi continuelle en guerre. Tout d'abord avec la guerre de la lutte d'Augsbourg durant le règne de Guillaume III et de Marie, et ensuite durant la guerre de succession d'Espagne entre 1702 et 1713. Et donc, dans cette tension entre les deux royaumes, nous pouvons aisément considérer que l'échange, entre autres, de médailles est rendu compliqué. Notons, par exemple, qu'aucun ambassadeur français ou aucun représentant français n'est accueilli pour le couronnement de Guillaume et de Marie en 1689, et qu'aucun ambassadeur français ni représentant français n'est présent au couronnement d'Anne en 1702. Donc les relations diplomatiques, qui sont la voie, disons, habituelle d'échange des médailles entre souverains, se trouvent réduites. Toutefois, au cours de différentes recherches concernant les médailles anglaises, entre autres au travers de la presse et des catalogues de vente, j'ai pu constater, entre autres pour les catalogues de vente, j'ai pu retrouver donc une quinzaine de ces ventes qui ont eu lieu à Londres entre 1750 et 1760. Et de manière assez surprenante, certaines de ces collections ont dû être composées dans la première moitié, voire dans le premier quart du XVIIIe siècle, et les médailles françaises se trouvent être le fond principal dans la globalité des médailles qui sont possédées par des collectionneurs privés. Elles représentent environ la moitié des médailles possédées par les Anglais. La moitié des. Cela représente environ 50% des médailles anglaises, plutôt, possédées par les collectionneurs privés. Dans ces médailles françaises, nous retrouvons à la fois des médailles de Louis XIII, des médailles de Louis XV, mais aussi certaines médailles de Louis XIV et certaines séries complètes produites par les Daciers sur les rois de France. Malheureusement, ces catalogues de vente sont assez succincts, puisque pour les médailles françaises, ils ne nous donnent aucune indication quant à la légende, ni au droit, ni au revers présents sur les médailles, rendant donc l'identification assez complexe. Dans le cas de la presse anglaise, lorsque vous recherchez les termes de médaille ou de divers graveurs français, en tout cas pour le terme de médaille, il est possible de retrouver 300 articles entre 1688 et 1715. Et sur ces 300 articles, paradoxalement, assez peu d'articles traitent en soi des médailles produites par le monarque français. Nous pouvons en retrouver quelques-uns qui évoquent l'utilisation de médailles, mais après analyse, il s'agit plutôt de médailles utilisées lors de la fondation de bâtiments, de reconstruction, par exemple, au moment de la refondation de l'hôtel de Notre-Dame, où une dizaine de médailles uniques sont produites pour être enterrées, selon les dires de l'article. Et enfin, une série d'articles sont présents et reviennent de manière régulière en fin d'année afin de discuter de la distribution des jetons annuels pour les ordinaires de guerre ou pour les différentes administrations. Et donc de ce fait, il était assez logique de mettre de côté ces éléments, même s'ils évoquent de manière lointaine les questions de composition et de production de médailles pour le souverain français. Dès lors, je me suis aussi posé la question de comparer les productions françaises et anglaises, en tout cas les productions anglaises établies par les graveurs de l'atelier monétaire et dans les murs de l'atelier monétaire, et les médailles que nous pouvons retrouver dans les deux volumes, c'est celui de 1702 et la correction de 1721. Et nous retrouvons donc, pour les différents règnes successifs, un écart assez significatif entre les deux royaumes qui dénote d'une pratique très divergente, entre autres pour le règne de Charles II au moment de la Restauration en 1660, et aussi au cours du règne de Guillaume et de Marie. Les 10 médailles qui sont notées ici ne prennent en compte que les productions qui sont faites par les graveurs dans le cadre de l'atelier monétaire, mais certaines des productions sont faites par les frères Retiers, mais sont proposées à la vente par un vendeur particulier à Londres, que j'ai décidé d'exclure de manière intentionnelle du calcul. Néanmoins, on peut constater un élément assez surprenant, celui de la production des médailles d'âne, donc entre 1702 et 1714, où le règne produit 30 médailles et où le volume de 1723 pour les médailles de Louis XIV n'enregistre que 28 médailles. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à ce cas relativement atypique de 30 médailles produites en 12 années de règne, qui se répartissent entre deux grandes catégories, les médailles que l'on pourrait considérer comme médailles civiles et les médailles reflétant la situation et les victoires militaires lors de la guerre de succession d'Espagne. Et donc, nous pouvons voir que pour 8 médailles environ d'affaires civiles, nous en avons 22 à 23 pour des affaires militaires. Il est assez anodin qu'une telle proportion de médailles de guerre soit produite durant un règne où une femme règne sur le royaume d'Angleterre et où la figure guerrière, contrairement à Guillaume, qui était présenté justement et à juste titre comme un guerrier, ne peut pas s'appliquer durant ce règne. Et donc, à la suite de l'analyse de ces productions anglaises, je me suis entre autres intéressé à la question de la production de la médaille de couronnement pour le règne d'Anne et un document qu'il est possible de retrouver dans les documents laissés par Newton après son passage à l'atelier monétaire. Pendant très longtemps, depuis que j'ai rencontré ce document, donc cela fait 2 ans environ, j'ai toujours rencontré une difficulté à pouvoir le dater. En effet, il s'agit d'une médaille, d'un document manuscrit présentant le revers de la médaille anglaise, mais il ne correspond en rien à la forme habituelle qui doit régir les relations entre le maître de l'atelier monétaire, qui est en charge de la production et de ce type de production pour la couronne anglaise, et le trésor, qui est en charge des divers versements, entre autres pour acquitter le métal et pour donner l'accord royal dans le cadre de la production. En général, ces échanges s'effectuent par courrier entre les deux institutions et ne concernent, en tout cas en assez peu de cas, des descriptions aussi détaillées où le maître de l'atelier monétaire se permet non seulement de donner l'indication de la légende, qui est une donnée qui apparaît très souvent dans les échanges entre la monarchie et l'atelier monétaire, mais dans ce cas de figure, il se permet aussi de détailler, de donner une description de la légende, ainsi que de la représentation du champ, d'une analyse et enfin d'un certain nombre d'annotations qui font directement référence à des éléments de littérature classique et permettant de faire un lien avec les différents éléments présentés ci-dessus. En effet, ce document a, donc, comme je vous le disais, a, pendant très longtemps, m'a posé un problème de datation, dans la mesure où il s'agit donc de documents d'Isaac Newton, qui ont été transmis lors de sa mort en 1727 à sa nièce, et qui ont été ensuite reconditionnés dans un volume relié au XIXe siècle. Il était donc assez difficile de savoir si ce document avait sa juste place dans l'ensemble ou s'il s'agissait d'une erreur de classement. Et c'est en préparant cette communication et en reprenant ces divers éléments et la question qui nous amène, la question des médailles de Louis XIV et du livre, que j'ai pu reprendre ce document et le réanalyser à l'aide de nouveaux éléments que j'ai pu retrouver depuis 2016. Donc, la production de cette médaille est une production qui se trouve être régulière dans le cadre de la monarchie, mais dans le cadre du règne d'Anne, nous sommes donc en 1702 et l'atelier monétaire produit cette année 5 médailles différentes, ce qui est une production très exceptionnelle pour l'Angleterre. Lors du règne d'Anne, nous avons 2 années qui connaissent cette production, 1702 et 1710. Mais pour en tout cas 1702, sans grande explication qui peuvent justifier une telle ampleur. En 1710, l'Angleterre et surtout l'Écosse, qui a été unifiée dans le cadre de la Grande-Bretagne depuis 1707, reçoit par l'entremise de la Société des antiquaires d'Édimbourg une médaille jacobite. Et effectivement, pendant plusieurs jours, il y a des débats au sein de la société afin de savoir si il est justifié de recevoir la médaille de manière officielle ou s'il faut la rejeter. Et la monarchie anglaise profite en réalité de cette situation pour produire donc 5 nouvelles médailles, dont l'une, celle commémorant la tentative d'invasion de l'Écosse, commémore un événement antérieur de 2 ans, puisque la tentative a eu lieu en 1708 et la production en 1710. Ce n'est pas un cas anodin dans la production anglaise, puisque la moyenne de production est de 2 à 7 ans après l'événement après l'événement à commémorer. Mais néanmoins, dans l'analyse des productions effectuées durant le règne d'Anne, l'année 1703 est une année qui se trouve être quelque peu particulière, puisqu'elle est produite pour les victoires rencontrées par le duc de Marlborough, une médaille, donc la médaille de droite, qui rencontre une certaine critique en Angleterre, puisque elle est présentée comme étant une copie conforme d'une production française, celle de l'entrée du roi à Paris en 1652. Alors, il reste néanmoins assez difficile de retrouver des échanges à ce sujet. Néanmoins, en 1703, il est vrai que la presse anglaise fait état de la production de cette médaille, mais nous avons quelques éléments de correspondance qui nous indiquent que les deux paires de coins de cette production ont été rompues juste après la publication de cette médaille. Néanmoins, la proximité entre les deux productions pose une question. Quel est l'accès des graveurs de l'atelier monétaire aux productions effectuées par la France? En effet, ni John Crocker, qui est donc en 1703, qui est graveur de l'atelier monétaire, ni Samuel Boole n'ont eu une formation dans un des ateliers de la monarchie française. Il ne semble pas avoir d'échange particulier avec un des graveurs de l'atelier de Paris, et les tensions qui existent entre les anciens graveurs et la monarchie rendent difficile un échange quelconque. Néanmoins, en 1703, soit la médaille française est présente en Angleterre sous une forme métallique, soit elle est présente sous une forme de livre. Néanmoins, à la suite de la production de cette médaille, la monarchie anglaise décide de couper court à toute production de médailles par l'atelier monétaire, mais en analysant les documents laissés par Newton, nous pouvons voir que, à la suite des propositions qu'il a effectuées pour la médaille de couronnement, nous trouvons plusieurs dessins effectués de sa main et quelques explications qui sont présentées pour la médaille de Vigo, donc pour la prise de la flotte française et espagnole lors du retour des minerais précieux d'Amérique du Sud. Et cette médaille est alliée à la production d'une deuxième médaille de 1702, qui est la médaille de la prise des villes de la Meuse. Ces deux médailles, en fait, se suivent dans l'ensemble laissé par Newton et font suite à la médaille de couronnement. Si je présente ces deux médailles de manière successive, c'est pour la simple et bonne raison que certains éléments que nous pouvons retrouver donc à la droite de la médaille en haut, certains éléments en réalité se retrouvent pour la médaille de la prise des villes de la Meuse. Donc la question qu'il est possible de poser au constat de ces documents est de savoir si une recherche de construction logique entre les médailles, d'un lien pouvant s'établir comme un récit historique, existe ou non. Et en réalité, nous pouvons lire, en tout cas pour une partie des premières médailles produites pour le règne de d'Anne, nous pouvons y voir une influence et la présence du livre sur les médailles de Louis XIV au sein même de l'atelier monétaire, puisque le volume, l'exemplaire que vous avez ici, n'est autre que l'exemplaire personnel d'Isaac Newton, qui était alors donc maître de l'atelier monétaire, et qui, en face de la médaille proposée dans l'ouvrage pour le secours donné aux Hollandais, il laisse une note manuscrite qui se trouve être la base de la légende de revers pour la médaille de Blenheim, qui n'est produite qu'à partir de 1706, et donc qui pourrait nous indiquer la présence de cet ouvrage entre 1703 et au plus tard 1706. Néanmoins, dans l'ensemble des ouvrages qui traitent de la médaille, il s'agit du seul ouvrage contenant une note manuscrite de la part de Newton. Certains autres ouvrages qu'il a en possession contiennent des notes, mais pour cette médaille précise, il est possible de retrouver l'indication d'une légende, et la datation justement de l'acquisition de cet ouvrage est possible à déterminer, alors au plus tôt en 1703 et au plus tard en 1706. Pour ma part, je considère que Isaac Newton possède cet ouvrage dès 1704 grâce à la correspondance de Peter King, le premier comte d'Ockham, qui échange avec John Locke et qui lui indique que le maître de l'atelier monétaire, Isaac Newton, qu'il a rencontré lors d'un passage à l'atelier de Londres, prend beaucoup de soins et beaucoup de temps afin de composer légendes et représentations de chants pour le revers. Et cette lettre, qui est datée de novembre 1704, est rédigée un mois après la correspondance entre Isaac Newton et le Trésor au sujet de la proposition qu'il souhaite faire pour la production d'une médaille. Or, en 1704, l'Angleterre est encore en suspension de production pour ses médailles, qui ne reviendra qu'à partir de 1706. Néanmoins, le maître de l'atelier monétaire continue à proposer un ensemble de légendes et de revers à la monarchie, sans aucun doute pour une validation ou du moins pour un retour d'une forme de production de la part des graveurs de l'atelier. En 1706, cette production est de nouveau réautorisée par la monarchie, mais sous certaines conditions qui changent quelque peu la fabrication, la composition même des légendes et des médailles en Angleterre, puisque dorénavant, les médailles devront être validées par les trois officiers principaux de la monarchie qui se trouvent être présents à l'atelier monétaire. Et donc, il n'est pas impossible que la présence de cet ouvrage, la manière dont il a été construit, ait pu partiellement conditionner la mise en place de cette nouvelle législation qui pourrait officier de manière moins importante que l'Académie, de manière interne à l'atelier monétaire. Et donc, en reprenant ce document sur la médaille de couronnement qui a. Sur la médaille de couronnement, il est même possible de considérer ce document non pas comme un simple brouillon, mais comme un essai de la part de Newton de proposer une forme de modèle propre à l'Angleterre, d'un ouvrage métallique pour les médailles anglaises. Puisque nous avons ici, en réalité, la copie la plus aboutie de ce document, puisqu'à la suite de ce folio, il est possible d'en trouver encore une dizaine qui reprennent exactement le même texte, où nous retrouvons Newton qui va ajouter des éléments, qui va en retirer, qui va tenter d'améliorer son explication, et il est totalement possible d'émettre l'hypothèse que Newton, à partir de 1704, souhaite créer, en concurrence de la monarchie française et des médailles de Louis XIV, un format propre des productions pour l'Angleterre. Néanmoins, après 1706, et donc le contrôle des officiers de l'atelier monétaire, nous ne retrouvons plus d'éléments sous ce format. Il y a bien une validation des officiers de l'atelier monétaire afin de faire correspondre les productions et la bonne image de la monarchie anglaise, mais nous ne conservons en réalité que les dessins validés par les officiers, et nous n'avons en réalité aucune légende, nous n'avons que le champ représenté. Nous ignorons donc les raisons qui conduisent, à partir de 1706, la composition d'une légende et de la représentation d'un champ. Néanmoins, à partir de cette période, la production anglaise tend à se simplifier énormément, puisque les premières médailles de règne sont, pour la compréhension, relativement complexes, d'autant que Newton prend le soin d'adjoindre absolument un maximum de références et de notes de littérature antique. Et l'une des critiques qui a pu être faite à l'époque pour la production de cette médaille était sa relative incompréhensibilité pour le lecteur normal de cette médaille. Et donc, à la suite de cette nouvelle validation de la monarchie anglaise, nous pouvons voir, en conséquence de la production des médailles anglaises, la réapparition et la constance d'une forme assez propre et particulière à l'Angleterre, avec la réutilisation de l'iconographie de la Minerve, qui tend à devenir, au fil des années, non plus une Minerve, mais une Britannia, quitte à ce que le graveur commette certains anachronismes, puisqu'il note en soi Britannia dans le sens de britannique mais moderne, après l'union de 1707, pour des actions qui se situent en 1704 et en 1705. Néanmoins, cette figure, qui a été instaurée sur les productions de Charles II au cours des conflits avec les Provinces-Unies, tend à s'amalgamer avec la figure de la souveraine anglaise qui, tour à tour, donc cette Britannia, revêt à la fois les symboles du royaume, mais aussi de la monarchie et de la reine elle-même, tout comme nous pouvons constater l'emploi qui est fait de la France et telle qu'elle est représentée sur les médailles de Louis XIV. Et donc, une certaine forme d'opposition et de contre-culture apparaît pour le format qui s'applique en Angleterre et qui devrait sans doute être lu avec cette forme de volonté en temps de guerre de créer une contre-culture à la production effectuée par Louis XIV et diffusée au travers de ses ouvrages.